déjà en train de tomber. L'option de Dieu est déjà là. Dieu est déjà là. Déjà ouvert. Laisse ton cœur aussi ouvert pour que l'Esprit de Dieu puisse entrer dans ton cœur. Le culte doit se passer dans ton cœur. Dispose ton cœur. Ne sois pas distrait parce que le culte a déjà commencé. Dieu est déjà là. Oui, il est là. Élève encore une fois ta voix. S'il te plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous voulons élever le nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Celui devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le culte c'est déjà maintenant. N'attends pas que la salle soit remplie pour que tu élèves le nom de Dieu. Dieu est déjà là. Élève son nom. Élève ta voix. Et dis-lui merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il va faire. Élève ta voix, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix au Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. qu'il fait. Merci Seigneur Jésus. Le créateur de toutes choses. Créateur de toutes choses. Tu réponds quand je t'appelle. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute la gloire est à l'Éternel Dieu. Bien-aimé, quand tu l'adores, quand tu l'élèves, la gloire, c'est à lui. La gloire, ça lui appartient. Tumurudishie Mungu sifa yake. Tumurudishie Mungu biake. Tumupe Mungu bile bina mumerite. À la hauteur, à la grandeur de son nom. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu donnes la mesure, la taille à Dieu. Quelle est cette prière-là que tu peux faire? Il est amoyenné à Mungu. Puisque avant qu'on ouvre même la bouche, mais au moins, élevons nos voix avec nos cris de joie. On peut élever son nom. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de celui qui est au-dessus de tout? Élevez le nom de celui qui règne. Élevez le nom de celui qui est. Élevez le nom de celui qui était. Élevez le nom de celui qui sera, qui reste, qui est éternellement, d'âge en âge. Alléluia. J'étais en train de dire qu'on acclamait celui qui est au-dessus de toutes choses. Alléluia. S'il vous plaît. Je ne sais pas ni titre kanilo na mpaka Mungu par rapport à les acclamations na mukaburia. Je ne sais pas. Mais au moins j'étais en train de dire tu m'oublies Mungu mikono. Mungu ule ariumba mbingu. Mungu ule ariumba dunia. Mungu ule arikumba weye. Mungu ule anachunga batoto yako. Mungu ule eko na tukinga na kutuprotege. Mungu ule arikupa kazi. Mungu ule arikupa bonne santé. Mungu ule anakupa maisha. Mungu ule anakupa makuta. Mungu ule anakupa bonne santé. Mungu ule anakusimamisha. Mungu ule eko yulu ya bamungu. Mungu ule ana na mwingine. Oh Jesus. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Église de Dieu, bonjour. Église, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Si tu es dans la joie, manifeste-le. Je sens qu'il y a des hommes qui ne sont pas dans la joie. Qu'est-ce qui se passe? Manifeste la joie. Manifeste la joie. Être en vie, c'est une grâce. Être en bonne santé, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Mikono yetu ni ya Mungu. Tunashinda kumupikia ayo. Mino mlomba kwa frère patient, solo. Umupikia kwa Mungu mikono mufason yako. Peut-être ineza kutulamusha. Kukubalebe na mikono wanashinda kumupikia yo Mungu. Mewoku na kinanda, essaye un peu de louer ton Dieu, de ta manière. Alléluia. Nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaumes, chapitre 23. Si nous pouvons lire tous ensemble, Psaumes, chapitre 23, versets 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous pouvons répéter le 6e chapitre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On peut acclamer la parole de Dieu. Il y a un cœur qui est en train de désirer d'habiter dans la maison de l'Éternel. Je pense que c'est ta position aussi, c'est notre position aussi ce matin. Je désire habiter dans la maison de l'Éternel. Nous sommes là ce matin pour élever son nom, pour louer son nom. Alors désirons habiter, désirons rester dans sa présence. Ne soyons pas distraits. Pendant ce temps, nous demandons à la chorale de nous emballer dans la louange, dans une forte louange. Je sais que Dieu va se manifester pendant que nous serons en train de le louer. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, tout le monde. Oh, Gloire à l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu des armées? Alléluia. Que Dieu soit loué. Mamu kumbi mungu akubariki. Ase mamu kikatale kunisifu mitalamusha maibwe. Amen, amen. Kama mwe munakatala kunisifu mitalamusha maibwe itanisifu. Leo mamu kumbi anatuma louange. Mungu asifiwe sana. Dieu est bon. Amen, amen. Uyu mungu analokotaka muntu ule anapenda. Kule anapenda. Anafanya naye kile anapenda. Aleluya. Uyu mungu anabebaka muntu same fiboshete. Anamutosha kulodeba. Anaenda kumuikarisha kumeza ya mfalme. Aleluya. Ce Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas quelle position tu vas prendre pour élever ce grand nom, ce grand roi. Uyu mungu anafanyaka mambo, ile bantu abakwanze kuwazia. Uyu mungu anafanyaka bile bantu barikalikulea kusema ye hapa kunaisha. Me mungu anamutosha mule mule situation, anatoka vainqueur. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ce grand nom? Est-ce que tu peux élever ce grand roi? Uyu mungu mumbaji wa mbingu. Mungu mumbaji wa dunia. Mungu muweza yote. Bien-aimé, élève ta voix. Adore ce grand roi. Adore Dieu. Pour le souffle de vie. Peut-être que tu n'as pas de sujet d'adoration. Mais sache que le souffle de vie que tu as, c'est un sujet d'adoration. Alléluia. Je veux être toi. Seigneur. Dieu parmi nous, tu n'as jamais été loin de ton peuple, Seigneur. Tu n'as jamais été loin de ton peuple. Tu veux partager les instants avec ton peuple. Des instants merveilleux. Des instants merveilleux. Des instants merveilleux. Des instants merveilleux. Oh, nous a lu ce matin. Même quand je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu es le bon berger. Tu es le bon berger. Je bénis ton amour. Je bénis ton amour, Seigneur. Je bénis ton amour, Seigneur. Je bénis ton amour ce matin. Je bénis ta grâce sur ton peuple. Je bénis ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Oh, tu es merveilleux. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Moi, je n'ai que Jésus. Oh, on peut tout m'arracher. Apprends à garder le Seigneur dans toute ta vie, dans toutes les situations de ta vie. Vérifie où est Jésus-Christ dans ta vie. Oh, il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, mais rassure-toi de la présence de Jésus dans ta vie. Rassure-toi de la présence de Jésus dans ta vie, dans ta maison, dans tes affaires. Où est Jésus ce matin? Où est Jésus dans ta vie? Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur, ce matin. Je t'élève ce matin. Sois béni, sois élevé. Pour ce que tu es, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous sommes toujours au mois de mars. Nous souhaitons bonne fête à toutes les mamans et toutes les sœurs. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est à côté d'une maman ou d'une sœur peut ne fût-ce que lui souhaiter bonne fête. Bonne fête, que Dieu te bénisse. C'est la fête, c'est la fête. Que Dieu vous bénisse. Je voulais demander un cantique. Mais je vois déjà le drummer est déjà parti. Maman Michou, Chouchou. C'est Michou, c'est Chouchou. Chouchou. Chouchou. CEO, je pense que vous allez vous débrouiller. Je suis dans la joie aussi ce matin. Je vois maman Chantal qui est là. Est-ce qu'elle peut s'élever? Nous voulons la, je veux la saluer. On peut la saluer. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci maman d'être venue. C'est la belle-mère de l'ancien Elvis. Alléluia. Je n'ai pas dit que c'est la maman de Gloria, j'ai dit que c'est la belle-mère de l'ancien Elvis. Alléluia, que Dieu soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique pendant quelques minutes? C'est le mois de mars, nous chantons. Nous voulons chanter ensemble avec les mamans, avec les sœurs. Mama nawa vijana. Dans la joie. J'espère que dans la salle, il y a des mamans. Oh, que Dieu vous bénisse. Babel, Maliki Bati, and the Bemosu Nessie Canayo, and Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Il chante quelque part, il dit, ça fait longtemps que j'ai souri. C'est toi qui nous fais sourire de nouveau. Alléluia. Mais il y a des moments dans la vie, tu as du mal à sourire. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu peut te faire sourire de nouveau. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Gloire au Seigneur. Alléluia. Père, nous bénissons ta présence ce matin. Merci, cher Saint-Esprit. Nous voulons te recommander ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. J'avais dit qu'on va commencer à lire ce verset chaque dimanche. Vous le connaissez par cœur. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Parce que j'aimerais que nous commencions, chacun de nous doit commencer à méditer autour de ces versets. 1, 2, 3. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. C'est toujours important de connaître certaines choses dans la Bible. Parfois, on a l'impression que nous qui sommes pentecôtistes, nous connaissons très peu ou très mal la parole de Dieu. Ce matin, Dieu veut visiter quelqu'un. C'est pourquoi j'aimerais que tu sois attentif vraiment pendant le message de ce matin. Selon ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Juge chapitre 6, versets 14 à 15. Je vais lire les deux versets. Et puis, ça sera versets 29 à 32. Et puis, je vais lire Nombre, chapitre 23, pour expliquer et nous allons prier. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Vous pouvez souligner, je serai avec toi. Verset 29. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Oh, ça c'est merveilleux. L'enfant commet une faute. Le père est prêtre de Baal. Baba anakuya ni mtu mkubwa wa Baal. Prêtre anakuya ni chef wa Baal. Prêtre. OK. Anakuwa monsieur l'abbé wa Baal. Alléluia. Amen. Le père est prêtre de Baal. Aye, Baba, anakuya mumpe wa Baal. Ah, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est le mot que j'ai cherché. Le père est prêtre de Baal. Baba, anakuya mumpe wa Baal. Il doit choisir anapasha kuchakula entre son fils katikati ya mtoto yake et rester prêtre de Baal. Nakubakia mumpe wa Baal. Et il choisit de défendre son fils. Ça, c'est l'attitude de Dieu. C'est l'attitude du Père. C'est juste une parenthèse. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Oh, Dieu se défend lui-même, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais les dieux de ce monde, il faut les défendre. Sinon, on va les brûler dans le feu. Sinon, on va les jeter très loin. Il dit, si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui. Que Baal plaide contre lui. Baal a dit mwenyewe. Non. Que Baal plaide contre lui. Baal a musemese. Puisqu'il a renversé son autel. Vile baliweza kuangusha mazabao zake. Vous pouvez souligner en lui donnant le nom de Jérubal. Mutie kistari bakampatia jina ya Yerubali. Et puis vous pouvez souligner contre, que Baal plaide contre lui. Baal a pate kou disemeze kinyume yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, en méditant ce texte, mkufikili usomi i, il y a des choses importantes que Dieu veut faire ce matin. Kuna kwa bitu bya baby ya yamba Mungu anapenda kufanya asubuhi ya leo. Les gens de Baal, j'explique d'abord l'histoire. Dieu rencontre Gédéon. Dieu lui donne une mission. Nous ne sommes pas encore entrés dans les détails de la mission, mais on a toute l'année. Dieu donne la mission à Gédéon. Mais avant cette mission, il y avait des préalables. Et Dieu dit à Gédéon, va dans la maison de ton père, dans votre maison. Il y a des choses que tu vas détruire. Commence par détruire les choses qui sont dans votre maison. La première chose, c'est l'autel de Baal qui est dans votre maison. Un autel C'est un lieu comme celui-ci. Ina kwa fosi kama mimbari. On appelle chair, on appelle hôtel. Banaita mimbari wala banaita masabao. C'est un lieu où le divin rencontre l'humain. Ni parfois si ambayo miungu inakutana na mwanadamu. C'est un lieu de rencontre entre le naturel et le surnaturel. Donc dans la maison où habitait Gédéon, il y avait un endroit d'invocation. Et cet endroit d'invocation, c'est ce qu'on construit l'hôtel de Baal dans leur maison. Et c'est le papa qui était le prêtre de Baal qui était chargé d'invoquer Baal à cet endroit. Dieu dit à Gédéon, va dans votre maison, détruis cette chose-là. Ce n'est pas ça notre objet d'aujourd'hui. On reviendra au courant de l'année. Mais il y a des choses dans la mission, mais qui commencent d'abord dans nos maisons. Quand Gédéon arrive, il se demande à quelle heure il peut faire ça. Là, ce n'est plus Dieu qui lui a dit de choisir l'heure. Dieu lui a dit de détruire. Mais la stratégie est venu de Gédéon. Il y a des gens qui ont bien reçu la mission de Dieu, mais qui n'ont pas eu la bonne stratégie dans leur vie. C'est très important. Maintenant, la bonne stratégie est liée à beaucoup de choses. La bonne stratégie est liée à la connaissance. Quand on parle de la connaissance, on parle de la science. Et quand on parle de la science, on parle de l'éducation. Dans 1 Pierre, on dit que vous devez ajouter à la connaissance la science. Donc beaucoup de gens n'ont pas de bonnes stratégies par manque de connaissances. Ils prient, mais n'ont pas la connaissance pour avoir la bonne stratégie dans sa vie. Ça vient de l'éducation. Ça vient aussi de contact. Oh bien-aimé, tu n'auras jamais de bonne connaissance si autour de toi tu n'as pas un bon environnement. Tu n'auras jamais de bonne connaissance si tu n'as pas l'instruction. Et c'est des éléments essentiels pour avancer dans la vie. Frères et sœurs, Dieu a dit d'ajouter à la connaissance la science. Donc Gédéon choisit d'aller détruire l'hôtel de Baal la nuit. Et il avait raison. Il y avait peu de gens. C'était discret. Il pouvait le faire. Je comprends une chose. Il y a des choses que nous pouvons faire le jour. Il y a aussi des choses que nous pouvons faire la nuit. Alléluia. Amen. Il part, il détruit l'autel. Les disciples de Baal, ils ont appris que l'autel de Baal a été détruit et les pieux sacrés. Ils ont commencé à faire des recherches. Pour savoir qui a fait cela. Après avoir fait des recherches, ils réalisent que c'est Gédéon, le fils de Joas. Alors, ils vont devant la maison. Ils disent, Monsieur Joas, livre-nous ton fils. pour qu'on le tue. Parce qu'il a détruit l'autel de Baal. Niju anaribu mazabao ya Baal. Joas leur dit, Joas na bambi, ce n'est pas à vous de défendre Baal. Aina mwemu naweza kumsemelea ya Baal. Baal est Dieu. Baal ni Mungu. Si Baal trouve que Gédéon a mal fait, kama Baal anaona kama Gideon alifanya mubaya, que Baal lui-même vienne se défendre. Baal akwa jisemeze mwenyewe. Vous ne venez pas défendre Baal. Moi mushikwe kumsemeze ya Baal. Alors celui qui veut défendre Baal, mwenye anapenda kumsemeze ya Baal, il va mourir. Atakufwa. Les gens ont eu peur. Bantu wanashikia boka. Comme ils ne savaient rien faire, sabla bakuje nini kufanya, ils ont fait comme quelque chose. Balfa kitu moja. C'est ça que je vais enseigner ce matin. Djenye ne tu kamata anga subu ya leo. Ils ont fait quelque chose. Balafa kitu moja. Vous savez, mnajua, quand le diable ne sait pas t'atteindre physiquement, kama shetani ashiye kukamata kwa mwili hivi, il y a des choses qu'il fait. Kuko bitu bila nafanya. Quand certaines personnes ne savent pas t'atteindre physiquement, kama unaka bitu ngine beshindo kamata kwa mwili hivi, il y a des choses qu'elles font. Dans le monde des ténèbres, ces gens-là, ils ont donné à Gédéon un nom. Banampata Gideoni jina. Comme si ils ont jeté un sort sur Gédéon. Il est quoi ça veut dire qu'on a tout pas mis coché par Gideoni? Parce que la Bible me dit. Bible nasema. Ils ont dit que Baal plaide contre lui. Baal a dit se mese mwenyewe. Contre Gédéon. Pas dit se mese mbele Gideoni. Ils ont donné un nom. Balampati a jina. Pour que leur Dieu. Ili Mungu wao. Combatte Gédéon. A un pique vite Gideoni. Et pendant que je réfléchissais. Wakati likuwa likifikili. J'ai compris que beaucoup de gens, dans leur vie, ils vivent certaines situations liées au nom leur donné dans le monde des ténèbres. Liées au sort, liées aux imprécations contre eux. Dans le monde des ténèbres, frères et sœurs, vouloir ou pas, le monde des ténèbres proclamera toujours de mauvaises choses contre ta vie. Même si tu n'as rien fait, même si tu es l'homme le plus gentil, si tu ne le sais pas, le monde des ténèbres, chaque jour, passe son temps à proclamer des mauvaises paroles. Bien-aimé, l'injure étant le diable, l'injure étant le diable. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, on va vous dire qu'ils ont eu des paroles injurieuses. Le monde des ténèbres proclame certaines paroles sur la vie de certaines personnes sans que vous le sachiez. Et vous réalisez que dans les étapes de votre vie, à un moment donné, vous avez l'impression qu'il y a un dérèglement. Alléluia. Amen. Ce matin, je voulais prier avec quelques personnes sur les vies desquelles on a proclamé des mauvaises paroles. Où on a jeté de mauvais sorts. Il y a des gens qui vous maudissent sans que vous le sachiez. Mais le Seigneur est fidèle. Lakini Bwana yuko mwaminifu. Alléluia. Amen. Le Seigneur est fidèle. Bwana yuko mwaminifu. Le Seigneur est fidèle. Bwana ni mwaminifu. Le diable ne veut que détruire, égorger. Shetani anapenda paka kuharibu na kuchinja. Il ne peut jamais prononcer de bonnes paroles sur ta vie. Hata sema kama sema mizuri juu ya maisha yako. Oh, ce matin, asubuhi ya leo, que toute mauvaise parole misema yote mibaya prononcée contre ta vie à partir du monde invisible soit annulée au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Que toute mauvaise parole qui était prononcée sur tes enfants, qui était prononcée sur ta maison, sur ta santé, ce matin, je l'annule au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a des gens dans le monde des ténèbres, on leur a donné des noms compliqués qui ne connaissent pas eux-mêmes. D'autres connaissent ces noms-là, mais ne savent pas comment je vais m'en défaire. Ce matin, la puissance de Dieu est là. Ce nom-là n'aura plus de place sur ta vie. Alléluia. Amen. Il y a des gens bien-aimés. À un moment donné, la vie s'arrête. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, parce que quelque part, dans le monde des ténèbres, quand malgré ta gentillesse, malgré que tu leur donnais la nourriture, malgré tout ce que tu les aimais, malgré, mais ils t'ont maudit. Oh, ce matin, que cette malédiction soit annulée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gédéon dans la maison, les gens à l'extérieur qui commencent à donner des imprécations, qui commencent à jeter de mauvais sorts sur Gédéon. Il y en a qui souffrent aujourd'hui dans leur vie à cause de certaines paroles qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres. Il y a des paroles qu'on a prononcé sur toi. Tu étais enfant. Au travail, dans le marché, dans le train, on a prononcé des paroles contre toi. Tu avais un ami. Vous vous êtes chamaillé pour rien. Il est parti faire des imprécations. Mais ce matin, je prie le Jéhovah, Jéhovah que nous servons, que ces paroles soient annulées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 22. Et ça vous sera que verset 6 et Nombre chapitre 23 verset 23. Je suis en train d'introduire. Nombre chapitre 22 verset 6. Et ça vous sera que mustarwa sita. Viens, je te prie. Kujamina kusi. Maudis-moi ce peuple. Car il est puissant, il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Ça c'est Balak qui dit à Balaam, Israël ne lui a rien fait. Rien. Israël est en train de faire son chemin. Lui, il devient jaloux contre Israël. Lui, il a peur d'Israël. Frères et sœurs, que tu le veuilles ou pas, le diable, il va te faire du mal. Il sera jaloux de toi. Frère, ouvre le mouzoud. Que tu t'habilles bien. Attends d'avoir la moubaya. Même si tu t'habilles mal. Le diable ne va pas t'aimer. Je te laisse ta coupenda. Alléluia. Amen. Israël ne faisait rien. Israël, ce qu'on voyait qui tout. Il faisait son chemin. Et qu'on a plus de tout mon dieu à l'oeil. Mais Balak s'est dit. Qu'est-ce que je peux faire pour dompter Israël? Frère, quand tu passes là, il y a quelqu'un qui te regarde, qui dit: qu'est-ce que je peux faire pour le dompter, pour le maîtriser, pour l'assujettir? Comme il n'a pas de solution, il va voir un prophète qui s'appelait Balaam. Il dit: Balaam, monsieur, viens. Viens, je vais te donner de l'argent. Frères et sœurs, il y a des gens dans ce monde qui utilisent leur argent pour faire du mal aux autres. Oh, je prie le Seigneur, si ton argent c'est pour faire du mal aux autres, que Dieu s'occupe de toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit à Balaam: je vais te donner des présents, des cadeaux. Viens. Kucha. Qu'est-ce que tu vas faire? Utafanya nini? Aide-moi seulement à maudire ce monsieur. Unisaidie tu kulaani. Il y a des gens qui ont été maudits. Kukubatwa ilainiwa. Parce que quelque part, fasi fulani. Il y a eu de l'argent qui ont été payés contre toi. Il y a eu des présents qu'on a payés pour te maudire. Frères et sœurs, aujourd'hui, que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema. Alléluia. Il paye l'argent. Au début, Kumwanzo, Balaam essaie de refuser. Balaam n'a plus au Katal. Il dit: non, non. Mutu a baigné, oui. Il n'a rien fait. Mita mulaana tu anin. Comment je peux le maudire? Monsieur Balak augmente la dose d'argent. Balak a engagé qui monte na ya fesa. Mais il y a des gens, Kuko watu, qui t'aimaient. Mais le diable augmente toujours, toujours la haine, toujours, toujours, jusqu'à les mettre, jusqu'à les conditionner. Le conditionnement humain. Il le conditionne contre toi. Et moi, tu réalises. Mais c'était mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne sais même pas. Bon, finalement, Balaam dit: je vais aller. Balaam se décide d'aller. Balaam a déjà quitté. Mais comme Dieu, ça vit le monde. Oh bien, mais ça j'aime avec le Seigneur. Mais en peine d'abord. Même ce qui se passe dans le secret. À téléphoner qu'à Moussir. Le Seigneur est au courant. Bon, frères et sœurs, le Seigneur est au courant. Même des complots contre toi dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi la Bible dit: si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Dieu est au courant. Mungu alichua. Il dit à l'âne: tu ne passes pas. Amambia balama utapita. L'âne. Amambia punda. Tu ne passes pas. Utapita. L'âne s'arrête. Punda na shimam. L'âne s'arrête. Punda na shimam. Bien-aimé. Wapen. Romains chapitre 8. Wa Roma sura ya munani. Nous dit ceci. Netuambia hivi. La nature tout entière. Umbile yote nzima. Soupire et attend la révélation des enfants de Dieu. La nature est toujours témoin. Témoin. Témoin. Des complots des hommes. Contre nos vies. Contre ta vie. Contre ta maison. L'âne s'arrête. Balaam fouette l'âne. Pour la première fois. L'âne parle. Je comprends une chose. Tout ce qui est sur la terre a une bouche. Tout ce qui est sur la terre peut parler. Tout ce qui est sur la terre entend. Fait, la terre ici, le sol. Écoute, entend. Quand tu insultes, la terre t'écoute. Le dernier jour, la terre va remettre à Dieu tes injures. Quand vous faites des complots, la terre entend. Le dernier jour, ce que j'ai dit est biblique. Il y a une semaine qui biblique. Un jour, Moja, les gens s'élèvent contre Moïse. Moïse dit à Dieu: Mungu, mina choka. Je suis fatigué. Kama aba bantu, si ce Jean qu'il meurt comme alors que les autres, moi je ne suis pas ton serviteur. Le serviteur s'est plaint devant Dieu. Moutumisi, il dit à Dieu: Abba bantu, ce choque. Il ne peut pas mourir comme tous les hommes. Parce que le cœur de Moïse avait mal. Parce que Moïse leur dit, laissez ces gens. Laissez-les avec leur famille, avec leur bien. Lorsque pour la première fois, la terre s'ouvre. Les gens ont été engloutis. Je comprends que mon guise moto est pas chimique. Alléluia. Vivant. Bajim. Avec leur casserole. Avec leur brasero. Femme, mari, enfant. Je ne veux pas seulement stigmatiser le fait qu'ils ont parlé contre Moïse. Mais si c'est le fait que la terre a entendu. La terre a ouvert sa bouche. Tu verses le son. La terre avale le sang. Un jour, la terre va restituer ce sang. Parce que le sang, c'est la vie. Alléluia. Amen. Là, nous dit à Balaam. Punda mambia Balaam. Je suis ton âne. Tu m'as toujours monté tout ce temps. Pourquoi tu me frappes comme ça? Balaam lui dit. Si tu me coince encore contre le mur, je te tue. Et Dieu ouvre les yeux de Balaam. Il voit un ange avec une épée. Qui lui dit, si l'âne ne s'était pas arrêté, j'allais te tuer. Alléluia. Amen. Mais comme tu aimes l'argent, vas-y. Bien-aimé, l'argent c'est des problèmes. L'argent c'est des problèmes. Ton amour envers Dieu, tu le mesureras toi-même sans que personne ne te dise de l'attitude de ton cœur par rapport à la richesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y en a qui prient bien. Parce que la richesse est loin d'eux. Ce n'est pas facile. Gérer le cœur dans l'humilité malgré que Dieu t'élève. Ce n'est pas facile. Et c'est comme ça que dans la Bible, chaque fois que Dieu élève quelqu'un, il lui met des garde-fous. Il lui met des pasteurs et des prophètes. D'ailleurs, David en avait deux. Parce que il était à la limite des gaffes. Dieu lui a donné Gad et Nathan. Quand vous voyez quelqu'un être élevé et fuir l'église, laisser, il n'ira pas loin. Parce qu'il n'y aura pas de garde-fous autour de lui. Le diable, Shetani, vouloir ou pas, il te maudira toujours. Il te maudira toujours. Parce que la Bible dit, Jean chapitre 10, verset 10, le voleur ne vient que pour voler et égorger. Mais il y a un mais qui est différent. C'est que moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est ça le travail du diable. Finalement, Balaam est arrivé. Balak lui dit, voici la mission. Kazi yoi. Je te donne l'argent. Fais ça, yoi. Toi, tu me maudis, Israël. Oui, là, tu Israël. Point très. Moi, je te donne l'argent. Mina coupa, fais ça. Toi, tu me maudis. Oui, nan la inia. Et maintenant, il lui demande, Asana Moulise. Qu'est-ce que je peux faire encore ni fait la pour le maudire? Dieu, il dit, c'est simple. Bâtis-moi un hôtel. Tout se passe autour de l'autel. Bâtis-moi un autel. Je vais faire des sacrifices. Ta fanya masadaka. Ta fanya mazingaovu. Na tenkesha kitswa na mikono. Musabi, et puis je vais maudire Israël. Na milani Israël. On lui fait un autel. Balangwe kia masabao. Il vient. Anakuja. Il fait tout ce qu'il voulait faire. À la fin, il repente au fagne. Maintenant, au lieu de maudire, kabla kulaani, il commence à prononcer des paroles de bénédiction. Alors, tu n'as que Barry qui t'aime. Alors, Balak lui dit, Balak a la moambie. On est nécuria makuta ngobule. Tu as mangé mon argent pour rien. Frères et sœurs, donc nada. Léo, aujourd'hui, Balogi, les sorciers, Balak makuta boule. On va manger leur parce argent. Parce que Mungu ajite tika. Dieu ne va pas accepter. Bakulaani, puisse katina la yes. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nombre 23-23. Et ça pour makumi mbili na tatu makumi mbili na tatu. Retenez ce verset. C'est ça le thème de ce matin. Nombre chapitre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. L'enchantement ne peut rien, ni la divination. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination. Mettez-moi ce verset dans Parole de vie. Et puis dans Second 21, ça c'est Second 19-10, Parole de vie. Écoutez ce qu'on dit. Il n'y a pas de magie chez les Israélites. L'enchantement, c'est ça la magie. C'est ça la sorcellerie. Pas de devin dans la famille de Jacob. Même dans ta famille, il n'y aura pas de magie. Il n'y aura pas de sorcellerie. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les malédictions réunies ce matin seront sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelle est la différence qui faisait que qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont maudites, maudites, et d'autres sont maudites, mais non maudites. Banebalaani, banalainiwa. Bengine banebalaani, lakini abalainiwe. Le diable maudit tout le monde. Chetanya banalaani batu bote. Akunole chetanya chikalaka buluma, ule balo chikalaka buluma. Il n'a pitié de personne. Le diable n'a pitié de personne. Les sorciers n'ont pitié de personne. Et ils passent leur temps à maudire tout le monde. Dans votre famille, ce n'est pas parce que tu es beau qu'on ne te maudit pas. Ils passent leur temps à maudire. Quand on a ouza mukaji, s'il réussit dans le travail, mes enfants ne vont pas terminer les études. S'ils terminent les études, ils ne seront pas mariés. C'est des paroles. Et ce matin, nous allons annuler ces paroles. Alléluia. Amen. Ça se passe partout. Il ne fait qu'à faire yote. Il est fait dans tous les domaines. N'engage pas tout yote. Antaïmba. Chante. Je connais une sœur. N'ajoute pas ta mode. Quand elle chantait. Quoi que t'aies déjà quimba. Elle chantait. Arrange à quimba. Elle chantait. Arrange à quimba. Elle sentait. Arrange à quimba. Tout le monde était rempli. Bote elle sentait seulement avec le micro. Arrange moi tout le micro. Mais c'était là, c'est le mariage le plus problématique sur la terre. La kini John Doe ya kan funda funda ya kwa de katika dunia hii. Sur la terre. Katika dunia hii. Le diable touche. Shetani na gusa. Quelqu'un sert Dieu. Mais le diable touche quelque part. Non, bien-aimé. Ce matin, nous sommes en début d'année. Il y a des choses qui doivent tomber. Parce que nous voulons avancer. Cette année, c'est une année de vitesse. Nous voulons avancer très vite. Il y a des choses qui doivent tomber. Pour qu'on avance librement. Il y a des paroles suspendues en l'air. Frères et sœurs, il y a des familles qui ont suspendu des paroles en l'air. Écoutez très bien. Quand Israël est entré à Jéricho, ils ont détruit Jéricho. Ils ont renversé Jéricho. Jésus a laissé une parole en l'air. Il a dit que celui qui bâtira cette ville, son fils aîné mourra. Jésus est mort. Mais la parole est restée suspendue. Frères et sœurs, il y a des familles où il y a des paroles suspendues. Il y a des vies où il y a des paroles suspendues. Mais ce matin, notre Dieu est là pour annuler et détruire ces paroles. Alléluia. Amen. On a collé un nom à Gédéon. On lui dit Jérubal. Banasema Jérubal. Donc Baal, Baali sera contre Gédéon. Atakwa kinyume ya Gideoni. Partout Gédéon partira. Fosse tata kwenda, les sorciers, Baloji seront contre lui. Batakwa kinyume naye. Tout ce qu'il va essayer de faire, yo tata fanya, Baal va le contrarier ou contrecarrer. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi ça n'a pas marché avec Gédéon? Pourquoi ça ne marchera pas avec toi? C'est là qu'on a lu le verset 16 dans Juges chapitre 6. Ça, c'est la clé. Il est une fungulo qui fera aujourd'hui. Et ta leo, qui aura une différence dans ta vie. Alléluia. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est la différence entre notre vie et la vie de tous les hommes sur la terre. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vérifie dans ta vie. Où est Dieu dans ta vie? Je serai avec toi. Romains 8, 30 nous dit, si Dieu est pour nous. Bien-aimé, tous les gens qui ont fait la différence dans leur vie, qui ont avancé malgré la sorcellerie, et je prie le Seigneur ce matin que tu réussiras dans ta vie malgré la sorcellerie. Tu réussiras dans ta vie malgré les obstacles. Tu réussiras dans ta vie malgré les paroles de malédiction. Tes enfants réussiront. Tes enfants seront mariés malgré les paroles qui sont suspendues dans le monde des ténèbres, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Mungu c'est pourquoi quand tu marches, bien aimé, vérifie où est Dieu dans ta vie. Mungu yako wapi maisha yako. Oh, j'aime ce jour-là. Minapenda ile siku. Marie et Joseph. Maria na Yusuf. Ils sont partis. Bana kwenda. Ils sont partis à la fête à Jérusalem. Bana kwenda ku fête ku Yerusalem. Jésus avait 12 ans. Yesu alikuwa na miaka 12. Et après la fête, kisha karamu, ils sont rentrés chez eux. Bana rudia kwapo. Mais quand ils arrivent, ils réalisent que Jésus-Christ n'est pas là. Ils sont rentrés pour rechercher Jésus-Christ. Frères et sœurs, ça peut arriver. Marie a oublié Jésus. Une mère qui oublie son enfant de 12 ans. Marie. Maria. C'est un homme, non? Nimuntu. Joseph. Yusuf. C'est un homme. Nimuntu. Ça peut arriver. Ils ont oublié Jésus. Mais quand ils ont réalisé que Jésus n'était pas là, ils sont rentrés. Frères et sœurs, tu es un homme. tu peux oublier. Mais si tu réalises que Jésus n'est pas là, tu as oublié Jésus dans ta vie, tu as oublié Jésus au marché, tu as oublié Jésus dans tes affaires. Mais on peut oublier Jésus-Christ. On peut oublier. On peut oublier. C'est-à-dire, on peut faire certaines choses en n'impliquant pas Dieu dans ce qu'on fait. Mais on a fait. Mais on fait. C'est à ce moment-là que tu dois t'arrêter. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Seigneur, viens. Viens dans ma maison. Parce que pour réussir, pour que tous les mauvais sorts soient annulés, il faut être avec Jésus. Oh bien-aimé, ne vis pas seul. Ne vis pas seul. N'avance pas seul. Ne reste pas seul. Ou ne vis pas toujours avec les hommes. Vis avec Jésus-Christ. Avance avec Jésus-Christ. Pour réussir, avance avec Jésus-Christ. Quand tu seras maudit, que tu le sois avec Jésus à tes côtés. Alléluia. Alléluia. Mais c'est très important. C'est important. Yamafa. Il y a des personnes Kukobatu. À qui on a collé des paroles. Benyamba barbala matisha misemo. Le Seigneur m'a dit qu'il faut prier pour ça aujourd'hui dimanche. Bwana linyambia safa tombe ile kitu. Il y a des vies qui n'évoluent pas parce qu'on a collé à ces vies certaines paroles. Kukumaisha yendeke ntuba ruweza kubala matisha misemo fulani mu maisha yao. On a collé à ta vie certains noms. Banaweka majina moya fulani kwa maisha yako. Les gens de Baal commencent à appeler Gédéon Jérubal. Batu ya Baal bakampanga Gédéon jina Jérubal. Pour eux, Baal devait s'occuper de Gédéon. Kwa ajili yao Baal anapaswa kujelekea na Gédéon. Il y a peut-être un nom que le monde des ténèbres est en train d'invoquer sur toi. Kuko jina moya ya mudunia ya giza iko na tungwa juu yako. Mais aujourd'hui, lakini leo, aujourd'hui, Léo, rassure-toi Uena wakika, que Jésus-Christ est avec toi. Yesu Christo. C'est très important. Iko ya mafa. C'est très important. Iko ya mafa. C'est très important. Iko ya mafa. L'enchantement ne peut rien. Uchao ya iwezi kitu. Parce que le Seigneur, son Dieu, est au milieu de lui. Ce n'est pas parce que je le dis non. C'est parce que Dieu est au milieu de lui. Je serai avec toi, Gédéon. Oh, bien-aimé, c'était la parole qui a bouleversé, qui a tout changé dans la vie de Gédéon. Je serai avec toi. Est-ce que Dieu est avec toi? Voici ce que Dieu fait quand il est avec quelqu'un. Je vais lire deux ou trois versets. Et puis nous allons prier. Et qu'on prie un peu. Et qu'on respecte notre timing. Esaïe 65. Isaïa makumi sita na tano. Non, commençons par 62. Kwanza kwanza makumi sita na mbili. Je crois. Esaïe 62. Isaïa makumi sita na mbili. Verset 2. Commençons par le verset 2. Mustari wa pili. Écoutez ce que la Bible dit. Sikele Biblia inasema. Alors les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire. Bien-aimé, le roi c'est la personne la plus glorieuse dans une nation. Mais la gloire du roi ne va pas suffire. Le roi va regarder à côté de lui. Il va encore quelqu'un qui a la gloire. Pourquoi? Et la Bible dit, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Non. Je n'ai pas dit, la Bible ne dit pas, va dire que la bouche de l'Éternel va déterminer. Je réfléchissais vraiment en mathématiques. Que la bouche de l'Éternel va. Donc, le nom là, il est tamko, le niveau de ce nom là, c'est Dieu qui va le positionner. Et quand la bouche de l'Éternel te positionne à ce niveau-là, même le roi, même ta mère, ton père, tes frères vont regarder la gloire qui va te revenir. Parce que Dieu a décidé de te donner un nom nouveau. Frères et sœurs, tu n'auras plus le nom qu'on a collé dans le monde des ténèbres. Tu n'auras plus le nom que les hommes t'ont collé. Ce matin, tu auras le nom que la bouche de Dieu va déterminer. Oh, alléluia. La bouche de Dieu va déterminer des rois au milieu de nous. La bouche de Dieu va déterminer les gens féconds au milieu de nous. La bouche de Dieu va élever des saints au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, désormais, on va t'appeler d'un nom nouveau. Pas que les gens des ténèbres vont déterminer. Ça signifie ceci. Si la bouche de Dieu a déterminé, c'est que la bouche des hommes aussi a parlé. La bouche du diable aussi a parlé. Oh, ma prière ce matin. Tous les autres noms que la bouche des hommes, que la bouche des diables ont donné sur toi, je les annule au nom de Jésus-Christ. Je proclame ce matin le nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer. Attention, ce nom nouveau, il n'y a que Dieu qui le connaît. On n'a pas le temps de lire les autres versets dans Apocalypse. On dit, il va te donner un caillou blanc sur lequel il est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le possède. Il y aura de nouvelles choses dans ta vie. D'ailleurs, je vois de nouvelles choses arriver que personne ne connaît. Personne de ta famille ne connaît ce qui va t'arriver. Personne de ta famille ne connaît ce que Dieu va faire avec toi. Mais seul Dieu connaît. Alléluia. Les hommes ont connu ce que Dieu a fait jusqu'aujourd'hui. Jusque ce matin. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Notre frère Ario, il s'est marié. Et il a un véhicule. Non, ça c'est ce que les hommes ont vu aujourd'hui. Mais demain, tu auras un nom nouveau que les hommes ne connaissent pas. Il est battu, mais que la bouche de Dieu est en train de déterminer ce matin. Ce matin, Dieu va déterminer des choses. Dieu va proclamer des choses. Tu auras un nom merveilleux. Alors, on va écouter certains noms. Ésaïe 65. Ça commence un peu plus. Mais on peut commencer à partir du verset 15. Toi, c'est pas mon stère. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Oui, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Mutacha majina yenu kwa wateule wangu. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Bwana wa milele atawesa kuwaua. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Lis bien dans la Bible swahili. Ésaïe 65, 15. Vous savez, j'aimerais entendre ce que la Bible dit. Quand on parle d'imprécation, généralement, ce sont des sorts. Okay. En swahili, appelons ça mauvais sort. Donc, il y a certains noms, certains mauvais sorts qu'on a proclamés sur certaines vies. Ouyou, en appliqué que comme bétine. Kamami et Joe, Aouta, Apan, Atawe et Joe, Touta. Alléluia. Alléluia. C'est ce que dit la parole de Dieu. Non, Kamami et Oh, Michikou, Pachia, quel est maï? Attends, nous Pachia, Kamai, sans effet. Alléluia. Attends, nous Pachia, Kouako, sans effet. Tous les noms en imprécation. Rentre au verset 15. Tous les noms en imprécation ma, sur mes élus. Madina yote yala ana Dieu va t'appeler au wangu. Seront annulés. Et puis l'Éternel vous fera mourir. Alléluia. Amen. Attention. Ne maudissez pas les élus de Dieu. Ne maudissez pas les élus de Dieu. Je n'ai pas eu seulement le temps de lire ce qui s'est passé avec David. Dans 1 Samuel chapitre 18. Samuel ou quoi de sourire qui s'est passé avec Josué. Il est fallu qu'on passe avec Moïse. Il fallu qu'on a Moussa. Je n'ai pas le temps de lire ces choses. Mais voyez ce que Dieu dit. C'est ma sœur qui m'a Et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Gina et Gine. Pas le nom que vous avez donné. Frères et sœurs, Dieu te donnera un autre nom. Pas le nom que les hommes t'ont donné. Dieu te donnera un autre sort. Un autre sort. Pas le sort que les hommes t'ont donné. Alors, verset 16. Verset 16. Alors, celui qui voudra être béni dans le pays. Voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et seront cachées à mes yeux. Alléluia. Acclame d'avoir le Seigneur. Tes anciennes souffrances seront oubliées. Seront oubliées. Seront oubliées. Parce que Dieu va faire. De nouvelles choses elles seront oubliées elles seront oubliées parce que Dieu va faire de nouvelles choses Dieu va faire de nouvelles choses Dieu va faire de nouvelles choses car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre et on ne se rappellera plus des choses passées elles ne reviendront plus à l'esprit oh bien aimé Dieu va faire de nouvelles choses Il va faire de nouvelles choses. Il va faire de nouvelles choses. Dieu va faire de nouvelles choses. Ésaïe 62. On termine par là. Verset 4. 62, verset 4. Écoutez ce que Dieu dit. Ésaïe 62, verset 4. On ne te nommera plus. Voilà. Quand on dit plus. C'est-à-dire, avant on t'a nommé. Mais maintenant on ne va plus te nommer, c'est pourquoi on dit on ne te nommera plus. Dieu dit on ne te nommera plus délaissé. Mais on ne nommera plus ta terre désolation. Il y a des gens quand vous les regardez, c'est vraiment la désolation. Ni ole tout. Oh, j'aime le Seigneur. La penda buana. J'aime le Seigneur. La penda buana. Oh bien-aimé, j'aime le Seigneur. La penda buana. J'aime le Seigneur. Souvent, il y a certaines choses. Peut-être que je n'aime pas trop en parler. Donc, mais j'aime le Seigneur. Zaidi, na mpenda bwana. En 2003, 2004, 2005, on priait ici. Quand on était là, le pasteur Freddy, l'ancien Thierry, etc. Quand on faisait les tours dans les maisons, On s'assied sur des bidons jaunes. Au salon. Ma bidon est jaune. Dieu est quoi, bitch? Alléluia. Amen. Mais on s'encourage. Tu rends compte du tilier qui est assis. On s'encourage. Tu rends compte du tilier qui est assis. C'est ça l'espérance. Job Taraja. On se dirait un jour. Si comment Dieu nous visitera. Mungu ta tutembele. Alléluia. Amen. Quand il y a des endroits quand tu entres. Mon frère, j'ai dit comment on engueille. C'est la désolation. Ni olé. Il veut dire pour moquer au. Il veut dire qu'est-ce qu'il y a. La dit on n'appellera plus ta terre désolation. Abata ite tena bulongo yako olé. L'homme Mutu est fabriqué de la terre. Donc il y a de vie. Kuko maisha, vous le regardez comme ça. Unayangalia hivi. C'est la désolation. Ni ole. De la tête aux pieds. Kwanzero kichwa paka miguu. Du vêtement. Kwanzero mavazi. À la canne. Paka kubakora. Désolation. Ole ole. Munekala kumensa. Vous êtes sur la table. Bien mon atafuta kuria ile siku. Les choses que vous voulez manger ce jour-là. On est sur la omba macho wise. Hein? Tu pries les yeux ouverts. La omba macho wise. Il y a des steaks, kuma bitomo est bien. Mais kuma ingine wotu tuma kuba la. Karibu na midi. Tu dois prier les yeux fermés. Mungu bariki katika jina la Yesu mina takasa. Frère, tu manges quand même. Mais la Bible dit, Bible nasema, on n'appellera plus ta terre désolation. Abata ite tena blongo. Oh, j'ai dit à quelqu'un, on n'appellera plus ta vie désolation. Ite le temps de Dieu est arrivé. Mais la Bible dit, na Bible nasema, on t'appellera mon plaisir. Et on appellera ta terre abata épouse. La car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux. Alléluia. Amen. Donc Dieu va mettre son plaisir en toi. Ataweka furaha yake ndani mwako. Oh bien-aimé, je prie ce matin. Naomba subuhi ya leo. Que le Seigneur mette son plaisir en toi. Bwana aweke furaha yake mwako. Que le Seigneur mette son plaisir en toi. Aweke furaha yake ndani mwako. Dieu veut changer des choses. Mungu anapenda kubadilisha vitu. Dieu veut changer les choses. Mungu anapenda kubadilisha vitu. Je récapitule et on prie. Napenda kurudiliamo. Et on prie. Je récapitule. C'est comme ça qu'on nous a enseigné à l'université. À la fin du cours, le prof fermait ses papiers. Commence à récapituler la leçon du jour. Ok, je récapitule la leçon du jour. J'ai dit ceci. Il y a deux gens qui vivent des situations parce que quelque part dans le monde des ténèbres on a jeté des sorts sur leurs enfants. On a jeté des sorts sur leurs enfants. On a jeté le sort sur leur maison. Ça peut être dans un domaine particulier. Ça marche. Mais ici ça bloque. Pourquoi? Dans le monde des ténèbres, que tu le veuilles ou pas, l'ennemi prononcera toujours des mauvaises paroles contre toi. J'ai dit à quelqu'un, les hommes ont prononcé des mauvaises paroles. L'ennemi a prononcé des mauvaises paroles. Mais nous avons vu ce matin quand Balak appelle Balaam. Il dit maudis-moi Israël. Pendant ce temps, Israël n'est même pas au courant. Israël a couru à Kitou. Israël est en train de marcher. Israël qu'on a tombé à loi. Eux, ils ont pris une position pour le maudit. D'ailleurs, Balak a dit à Balaam, écoute, tu peux maudire même une partie. Change de position, tu prends un angle. Donc il y a des gens dans leur vie, même certaines parties sont maudites. Ça ne marche pas. Il a l'argent, mais la femme ne met pas au monde. Il est intelligent, mais il n'a pas de travail. Il est intelligent, mais il n'a pas de diplôme. On a connu un fou comme ça à Colosie. Tu vois qu'il y a un fou comme ça à Colosie. On a des problèmes mathématiques de voir, on appelle le fou. Tu n'as pas de mathématiques de voir, tu n'as pas de magie. Il a déjà porté des sandales qu'on appelait Jesus. À chaque fois, ma sandale va être Jesus. On appelle le fou. Tu n'as pas de magie. Il nous résout les problèmes des mathématiques. Intégrale double. Intégrale double. Ceux qui connaissent l'intégrale double. Oui, ma job, intégrale double. Intégrale, intégrale. Intégrale, intégrale. Il résout. Il y a un alerte à Jib. Il est fou. Parce qu'il y a un sort sur sa vie. Vous ne le connaissez pas. Moi, mouyoué. Il y a des gens comme ça. Koukoba, tu veux qu'on file. Il est marié. Il est bien dans la vie. Mais l'argent fait est planté. Les enfants ont des problèmes. Parce qu'on a prononcé des paroles. Ce matin, nous voulons annuler ces paroles. Nous voulons annuler ces paroles. Nous voulons annuler ces paroles. C'est pourquoi Dieu dit, on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de Dieu va déterminer. Pas que les hommes ont déterminé, non, non. On ne nommera plus ta terre désolation. On ne t'appellera plus délaissé. N'accepte pas qu'on t'appelle malade. Ou maladif. N'accepte pas. J'ai tiqué. Non. Ce matin. C'est un matin spécial. C'est un matin spécial. Mets ta foi en action. La foi, c'est aujourd'hui, aujourd'hui. Imani ni leo leo. C'est aujourd'hui. Ni leo. Dieu dit, je saisis. Mungu anasema mimi nashika. Ma vie. Maisha yangu. Ne sera plus appelée de ce nom-là. Na. Oh bien-aimé. Wapendwa. Tu dois refuser. Una pasha ukatala. Tu dois refuser. Una pasha ukatala. Tu dois refuser. Una pasha ukatala. Tous les sorts. Ma mikoshi yote. Qu'on a proclamé sur ta vie. Eba itangaza maisha yako. Tous les sorts. Mikoshi yote. Ne te contente pas du minimum. Apana kufurahiwa tu kwa ile sehemu. Non non. C'est pourquoi Dieu dit, on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de Dieu va déterminer. Il y a des gens qui ont des limites eux-mêmes. Ce n'est pas la foi. Non, si tu me donnes un peu d'habits et de vêtements comme disait Jacob, ça me suffit. Non. Non, non. Ce n'est pas la foi. Mi et tout. Moi, s'il me donne seulement 1000 dollars, ma vie va changer. Non, non. Dieu n'est pas lié aux 1000 dollars. Il dit, l'Éternel sera ton plaisir. Mais la condition, avant de prier, Dieu a donné une condition. La condition, il a dit à Gédéon, je serai avec toi. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu dans ta vie? Ma bendezi ya dunia si atamani tena mina aja yote Yesu wangu nifana. Nifanane, nawe Yesu, anuma, ni aopopo, kila siku ya maisha yangu, nifanane. Où est Dieu dans ta vie? Là où tu es parti. Là où tu te trouves. Est-ce que tu as réalisé comme Marie et Joseph? Que Jésus est resté seul. Ils ont pris le courage de rentrer. Ils pouvaient rester pour dire qu'il va venir. Non, mais ce n'est pas ça le problème. Il fallait qu'il rentre pour récupérer l'enfant. Est-ce que ce matin tu peux rentrer pour récupérer Jésus-Christ? Élève ta voix, commence à prier. Prie, sois sincère seulement avec le Seigneur. Avant que nous puissions passer à une autre étape, prie. Omba. Baba Bush. Oh, Aregusa. Eya Kerebusa. Baba Babu. Jésus-Christ, dans ta maison, où est le Seigneur? Dieu a dit à Gédéon, je serai avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, Jésus est avec toi? Est-ce qu'il est avec toi? Ou tu l'as déjà laissé? Est-ce qu'il est avec votre famille? Ou tu l'as déjà laissé? Je sens dans mon cœur l'Esprit me dire. Il y a des gens qui doivent prendre une vraie décision ce matin. Ils s'approchent, ils se mettent à genoux, tu pries pour eux. Enlevez-moi un peu les paniers. Si tu prends la décision pour le Seigneur, approche-toi. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. On n'a pas beaucoup de temps, bien-aimé. C'est une décision à prendre pour le Seigneur. Nous sommes tous en prière. Élève ta voix, continue à prier. Ceux qui prennent la décision, Christ était parti loin, viens. Viens. C'est un jour qui va changer ta vie. C'est un jour qui va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Ça va changer ta vie. Oh, merci. Oh, je crie à toi. Oh, merci Seigneur. Il y a quelque chose, il y a des personnes aujourd'hui. Dieu va leur donner d'autres noms. Mais nous sommes en train de préparer le cœur. Mais ça, ce sont des moments de décision. Il ne manque qu'à tirer mes pango. Alléluia. Oh, oh, oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, merci. Seigneur, nous nous sommes rendus compte. Oh, oh, oh, oh. Dans le parcours, qu'on est parti très loin. Sans Jésus. Je crie à toi. Ce matin, bien-aimé, prends la décision. Ta vie va changer. Prends la décision de revenir. Seigneur, reviens. Prends la décision. Ta vie n'a fait la même chose. L'église a fait la même chose. Oh, merci Jésus. Seigneur, merci. Tu m'as parlé en vertu du pouvoir que tu me confères. Je prie pour tes serviteurs. Au nom de Jésus, ce matin, je réclame, j'implore ta miséricorde. Et ta grâce, parce qu'ils ont pris la décision que Christ revienne dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Christ revienne dans leur vie. Que Christ marche avec eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Rababasai. Que Christ revienne dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie. Je prie pour tes serviteurs. Au nom de Jésus. Mais nous voulons prier, nous nous tenons tous debout. Nous avons encore 5 minutes. Acte chapitre 4, verset 25. Acte chapitre 4, verset 25. La Bible nous dit pourquoi ces vaines pensées parmi le peuple. Kwanini mawazo mubaya katikati ya taifa. Acte 4, 25. Ces vaines pensées parmi le peuple. Oh frères et sœurs, il y a eu des vaines paroles. Prononcé sur ta vie. Il y a eu de vaines paroles. Prononcé sur ta maison. Pourquoi ces vaines paroles? Pourquoi ce tumulte? Il y a eu tous ces mauvais sorts. Ce matin, nous voulons prier contre toutes les vaines pensées, contre tous les mauvais sorts prononcés contre ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Oh, c'est pourquoi l'Église a prié en disant cela. Et quand ils ont fini, ils ont dit le verset 27-28 et les suivants. Quand je veux prier, le lieu a tremblé. Tu as commencé à briser les liens. Ce matin, Dieu va briser les liens de tous les mauvais sorts sur ta vie. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Prie avec moi. Prie avec moi ce matin. Nous voulons prier ensemble. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuhi ya leo. Masemo yote ya mubaya pa maisha yangu. Masemo yote ya mubaya pa maisha yangu. Masemo yote ya malediction pa maisha yangu. Masemo yote ya malediction pa maisha yangu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Mine yangusha. Mine yangusha. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwelekeza ma prix. Prix sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Angusha. Angusha. Il est ma semoyon, ya mubaya pa maisha ya katika jina la Yesu. Ma semoyon, ya mubaya, ya la ana, pa maisha ya. Oh, pray toka. Mire yangusa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mire yangusa, mire yangusa, mire yangusa. Au nom de Jésus. Lève ta main. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuya leo. Asubuya leo. Ma mauvais sort yote. Ma mauvais sort yote. Ya mu famille yetu. Ya mu famille yetu. Baba toto yango. Baba toto yango. Mama kazi yango. Mama kazi yango. Bubaya bula bula rudia kila periode. Bubaya bula bula rudia kila periode. Asubuya leo. Asubuya leo. Niko na biakusa. Niko na. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe leo tabaka kama sa prier. Prier Seigneur. Angusa bibi ba. Angusa. Angusa. Angusa. Tous les mauvais sons, tous les mauvais sons, toutes les malédictions, ce matin, je les renverse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa Isaïa. Papa Isaïa. Lève ta main encore. C'est ma Bwana Yesu. Bwana Yesu. Il est ma jina yote. Il est ma jina yote. Banita kutupanga mungiza. Basha kutupanga mungiza. Banapanga batoto yangu. Banapanga Bwana yangu. Banapanga bibi yangu. Banapanga famille yetu. Banapanga famille yetu. Oh bien, mais laisse-moi te dire. Acha nikwambie. Pendant que tu es là. Wakati tuko pale. Il y a des noms que le monde des ténèbres a imposé. Kuko majina dunia yakize nesha kukazisha. C'est-à-dire que Dieu vient la kona mutakuya. C'est comme ça qu'on vous voit que vous serez. Banami panga ile tina. On vous donne ce nom. Yabishoto. Yabishoto. Ya malari. Je majina yakize ne mipanga. Ce sont les noms que le Seigneur vous donne. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur veut faire quelque chose pour quelqu'un ce matin. Alors lève ta main. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Asubuya leo. Asubuya leo. Matina yote ya mubaya. Matina yote ya mubaya. Ya mamalari. Ya mamalari. Ya maesek. Ya maeshek. Ya haya. Ya haya. Ile kwa pa manyumba yetu. Ile kwa pa manyumba yetu. Ile kwa mukizazi kietu. Ile kwa mukizazi kietu. Asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo. Bila ikatala. Bila ikatala. Bila ikatala. Bila ikatala. Bila ikatala. Bila ikatala. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Commence à prier. Acha kuomba. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mina katala, ile machina yote ya hai, makizazi ke, oh, para fishaka babwani, para kufaka kuhatu fulani, para kufaka na malari fulani. Encore. que Dieu te bénisse. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Tu vas prier. La Bible dit, on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu pries pendant ce temps. Maintenant, dans ma vie, donne-moi le nom nouveau. Qu'on m'appelle du nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'on a dit à Gédéon, vaillant héros. Et Gédéon est devenu réellement le vaillant héros. Frères et sœurs, aujourd'hui, tu seras ce que Dieu va déterminer dans ta vie. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Oublie tous les autres noms. Et que la grâce de Dieu soit sur toi. Qu'on t'appelle de nom nouveau. Elle est prête à prier le Seigneur. Elle est prête à prier le Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de terminer, si tu trouves que dans ta vie ou dans votre famille, on vous a déjà jeté un mauvais sort, approche-toi. Un jour, il y a eu quelqu'un qui a vu un homme de Dieu. Il dit, bananita, bananilaka. On m'a appelé, on m'a promis. Il me voulait être à Pika Mangaribi. Il va pleuvoir ce soir. Il me voulait être à Pika Mangaribi. La pluie qu'il y aura ce soir, tout à coup, Pika Radi. On va te foudroyer. Tout à coup, picarade. On va te foudroyer. Parce qu'on a tout. Tu nous as dérangé. Et il est parti à l'église en courant. Anenda okanisa mu kimbia. Siki avile banasema. Kutse qu'on a dit. On a dit non. Ça, ça n'est pas de Dieu. Il a toqué quoi, Mungu. Ce mauvais sort. Le mikoshi. Doit rentrer à l'expéditeur. Il n'a pas sa courutière coulée na toke. On va prier. Tout à omba. Après tu prendras une offrande, tu cherches un autre homme de Dieu. Donne-lui. Tout à omba. Dans l'église. Et tu verras ce que Dieu va faire. Na otona kile Mungu atafanya. Après ça. Na kisha ile. Il a appris. À la Bible. Que la foudre. A touché celui qui l'a appelé. Radi inamupika mwenye aliweza kuyatuma. Ce matin, asubuhi ya leo, tout celui qui t'a envoyé un mauvais sort, mwenye yote arutumia mikosi, que ce sort rentre chez lui, imurudirie, au nom de Jésus. Yesu. Levez les mains là où vous êtes. Mwenye yote mikono pale mwiko. À partir d'aujourd'hui, tous les mauvais sorts sur vous, la Bible dit dans Ésaïe 53, Il a pris sur lui nos malédictions. Comme une brebis qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Et la malédiction qui était sur nous est tombée sur lui. Je prie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Le Dieu en qui j'ai cru. Le Dieu qui m'a appelé. Que la malédiction. Que le sort sur tes enfants ici. Tombe maintenant. Au nom de Jésus. Personne ne quittera ce lieu. Avec un mauvais sort sur sa vie. Ce matin, je libère leur vie. Au nom de Jésus, soyez libérés. Je limite tout mauvais sort, tous les mauvais sorts sur vos vies. Au nom de Jésus, je proclame, c'est terminé. C'est terminé par la puissance du Saint-Esprit. C'est terminé par la puissance du Saint-Esprit. Tous les mauvais sorts, tous les mauvais sorts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les mauvais sorts, tu as fait mauvais sorts dans ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, finis les mauvais sorts, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, finis, finis les mauvais sorts. Je déclare la bénédiction, je déclare la bénédiction. Oui, finis, toca, toca. C'est fini, c'est terminé, Toka, oui, Toka, libéré, allez, libéré. Toka, Toka, oui, libère cette vie. Tout le monde est sort, allez, sortez, libéré. Je libère ta vie. Oui, Toka. Je libère cette vie. C'est une fille d'Abraham. Vous ne pouvez pas bloquer sa vie. Pas moyen de bloquer sa vie. Ce matin, je libère. Au nom de Jésus, je libère. Je libère ta vie. Commence à remercier le Seigneur pour le nom nouveau qui est sur ta vie. Désormais, tu marcheras dans une autre vie. Élève-toi, commence à bénir le Seigneur. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je te bénis. Je bénis ton nom, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, sois élevé ce matin. Sois élevé au milieu de tes enfants, Seigneur. Sois élevé au milieu de tes enfants. Au nom de Jésus. Merci. Tu as sanctifié nos vies. Tu as purifié nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sanctifie nos vies. Que ta grâce soit sur nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Alléluia. C'est un moment de joie. Nous voulons passer aux offrandes. Nous appelons la chorale à nous accompagner avec un cantique. que nous pouvons acclamer pour Jésus. Alléluia. Nous nous inclinons en prière, nous prions pour les offrandes. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ces offrandes. Nous les abandonnons à ta grâce. Nous voulons qu'ils puissent œuvrer pour ton œuvre. Nous voulons, Seigneur, bénir les mains qui ont donné et ceux qui n'ont pas donné. Bénis tout un chacun. Sous ta grâce, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Tunafika wakati ya kupokea bageni. Si c'est votre première fois, ni mala yako ya kwanza kuingia mu église yetu ya Source Féconde, unaweza kumanifester mkono pale wiko. Ya bien aimé là, nous pouvons acclamer pour la gloire de Jésus. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous pouvons l'acclamer, nous pouvons bénir Jésus. Il y a une bien-aimée là-bas. Aidez-nous à les saluer. Aidez-nous à les bénir. Nous pouvons maintenant bien acclamer pour nos bien-aimés. Amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir. Après le culte, vous allez vous avancer juste un peu ici devant. Il y a des bien-aimés qui vont s'entretenir avec vous. Que Dieu soit loué. C'est le moment de communiquer. Demain, lundi, à partir de 16h30, nous avons rencontre des secteurs. Le secteur 40 maisons et quartiers Zout. Ils vont se réunir chez Papa Olivier. Le secteur SNCC et USS, ils seront ici à l'église. Secteur Quartier Mission 1, chez Papa Eric et Maman Fifi. Quartier Mission 2, ils seront chez Papa Jules Niembo à Chitourou. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement et prière, qui commence à partir de 16h30 jusqu'à 18h30. Amen, amen. Jeudi, à partir de 15h, il y a culte des mamans. Ba mama bote, jeudi, mouko na rencontre yenu apa pakanisa. Vendredi, à partir de 16h30, nous avons notre culte de jeûne et prière. Kunaita vendredi chini. Samedi, à partir de 7h30, de 7h30 à 8h30, nous avons intercession ici à l'église et à 9h, il y a évangélisation. Dimanche, nous avons notre culte de bonnes nouvelles qui commence pratiquement à 8h avec l'intercession d'ensemble et de 8h30 à 11h30, nous avons notre culte de bonnes nouvelles. Tâchons de venir toujours à temps. Question de commencer notre culte bien avant et ensemble. Après-midi, nous avons aujourd'hui, cet après-midi à partir de 15h à 17h, culte des jeunes de la JPC. Pour les autres communiqués, j'invite papa à continuer. Nous pouvons acclamer pendant que papa s'avance. Merci, frère Eric. Nous avons deux anniversaires. Bright Chipamba et Bienveillance Mwanda. Qui fait l'anniversaire. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Nous voulons les encourager. On peut les acclamer. On encourage nos enfants. Peut-être toi aussi, on n'a pas donné le nom. Si c'est regardez les... Voilà. Si toi aussi tu es là, tu peux t'approcher. Ok, nous allons prier pour Bright et Bienveillance. Nous recommandons à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ce jour d'anniversaire pour nos enfants. recommandant à ta grâce, bénis leur vie. Bénis-les, bénis cette année qui commence. Une nouvelle année, Seigneur. Nous proclamons le nom de l'Éternel sur eux et nous annulons tous les autres noms qui n'étaient pas le nom de l'Éternel. Seigneur, nous les bénissons. Nous bénissons leurs parents. Nous bénissons les maisons où ils vivent. Que ta grâce soit sur eux. Nous t'élèvons. Nous te rendons grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Ok, vous pouvez rentrer à votre place. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Naissance, il y a Maman Élisée, la femme de frère Jérémy. Maman Élisée, okay. S'est accouchée d'un garçon. On va aller la visiter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui attendent famille. Que Dieu donne des enfants à ceux qui en ont besoin. Et que Dieu protège les mamans qui sont enceintes. Je vais revenir sur un communiqué. Cette semaine, c'est la dernière semaine du mois de mars. Et nous avons dédicacé cette semaine aux mamans. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. C'est un moment merveilleux, bien-aimé. Je vais vous encourager. Ok, mettez-moi un peu la fiche des mamans qui vont travailler cette semaine. Mettez bien en grand. C'est ça le maximum. Ok, donc vous voyez aux écrans. Nous avons Maman Lydie Kamuzembe Kayembe. Maman Maryse, comment? Maloba. Maman Maryse Maloba, Maman Sylvie Kalanga, Maman Sylvie Naye, qui vont travailler cette semaine. Batafanya kazi kadiri ya juma hii. Alors soyons là. Tufike. Prions pour elles. Tuombeye. Encourageons-les. Tuatiliete na nguvu. Alors nous voulons nous débrouiller nous tous dans nos calendriers, dans nos programmes pour être là. Tufanye namna yote pour que tufike. N'est-ce pas papa maman? Voilà, que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous voulons, c'est aussi un moment. Vous savez, nous devons encourager. C'est aussi un moment d'écouter la parole de Dieu. De savoir comment nous travaillons, comment cette parole est perçue au niveau des mamans et comment les mamans peuvent restituer aussi cette parole. Ça permet aux bergers de rectifier aussi. Ça permet aussi de se rassurer comment nous travaillons. Vous savez, un des grands problèmes que l'Église a aujourd'hui, beaucoup de gens ont beaucoup de pasteurs et de pères. Je dois le dire. Le grand problème à la chorale, chez les mamans, Mbamama, chez les adultes, wazima, chez les jeunes, wavijana. Asina paka mukristo musulso fekonde. Il n'est pas seulement des chrétiens de la source féconde. Et c'est ce qui crée le désordre. Dieu qu'on a l'état, vuruko ya mingi. Normalement, un serviteur de l'Église n'est que mutumishi mukanisa ne doit pas aller dans les autres trucs. Attenda ma vie du vingi vingi n'apana. Rester à l'église. Bakiene kukanisa. Alléluia. Amen. Il est prophète là, il est un prophète là. Kuna prophète wake huku, kuna mwingine ngambo ingine. Arrêtez ces choses. Mwache maneno haya. Les téléphones portables, les smartphones, tout ce qu'il y a, c'est utilisons ça du bon côté. Tutumie masimu yetu kungambo ya mzuri na njia mzuri. Ça paraît rien. Mais ce sont des choses qui détruisent. Et je dois vraiment le dire, avec tristesse d'ailleurs, que ça fait du mal à l'Église. Donc cette semaine, Nous confions aux mamans qui sont là. Les autres mama. En dessous, c'est le comité des mamans. Envoyez ça dans le groupe. Oui, tout même groupe nous serons tous là. Les mamans vont modérer. Les mamans vont chanter. Les mamans vont prêcher. Les mamans vont conduire en prière. Nous voulons passer et comprendre, voir comment les mamans travaillent. Et j'espère qu'à la fin de tout ça, ma maman, en dehors de maombi, mutachako alama pakanisa. Les mamans, en dehors de la prière, vous allez laisser des signes à l'église. Amen. À ce moment, 2025, si ma maman, mangare kaji trifaye. Vous allez laisser des traces qu'en 2025, nous, maman, regardez ce que nous avons fait. C'est important. Nayoni alazima. Donc mercredi nous sommes là. Je n'ai pas le programme, je pense que mercredi c'est qui? C'est maman Marise qui travaille. Maman Marise Atatumika. Vendredi c'est maman Sylvie qui travaille. Maman Sylvie Atatumika. Dimanche c'est maman Lydie qui travaille. Nous serons là. En tout cas, moi je serai là. Tutakuya hapa na mimi nitakuya. Les programmes sont bouleversés pour que je sois là. Tutafanya mambo yote tukuya hapa. Je vais suivre personnellement tout le monde. Et prier aussi pour les unes comme les autres. Donc c'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans qui vont travailler? Jeudi, les mamans continuent leur programme. J'ai appris qu'il y a des bons enseignements qui se passent chez les mamans. Même les jeunes sœurs, soyez là. Vous, vous étiez là. Vous n'étiez pas là le jeudi. Toi, tu étais au jeudi. À la faculté. Non. Bon, nous tous, on a quand même séché le cours à un moment donné. Hein. Bon, donc jeudi, en tout cas, comme c'est la semaine des mamans, jeune sœur, maman, soyez là. On m'a dit qu'on a enseigné comment... c'est quoi le... Maman Miki, c'est quoi le thème que vous exploitez? Kishina mungu natumikisa kishina kani? Comment prendre soin des vêtements de son mari? Et les jeunes filles, comme n'ont pas de mari... Ok, vous allez déjà apprendre. Okay. Donc venez Ujeni, le jeudi, c'est des enseignements importants. C'est très important. C'est très important. Umaisha abajuai ke biote. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Ouvrez-vous toujours pour apprendre. Ujifungule tu ili. Nous, quand on est parti à l'internat, on nous a appris à brosser les dents. On brossait déjà les dents. On nous a dit, vous devez apprendre à brosser les dents. Et c'est quand on a appris, qu'on a réalisé que tiens, on ne brossait pas bien les dents. Vous savez, parfois, on ne brosse pas bien les dents. C'est vrai, on nous a appris. Comment brosser les dents? Namna kane kusukula meno yako. Comment faire le lit? Namna kane kutandika kitanda. Comment torsionner? Namna kane kuweza kukolopa. On a appris. Yote vile barutufundisha. On a l'occasion d'apprendre, venons apprendre. Namna wakati kuvata kufunza kuja ujifunze. Alléluia. Amen. Samedi nous avons mariage. Siku ya posho tuko na ndoa. À 14. Na saa ya 14. Aristote je n'ai pas vu leo. Aristote yako wapi? Aristote où? Toi, tu viens, tu laisses le mari. C'est Daniela qui sera béni. Viens. Ok, on va essayer de clamer le Seigneur. Voilà, ce samedi, nous bénissons Daniela et Aristote. Et ce que y a pour chaud, tout d'abord, il y a Daniela pour mon Aristote. À 14h. Na ça, il y a 14h. Donc, elle clôture très bien le mois de la femme. Que Dieu te bénisse. Tu peux rentrer ta place. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Malade, on nous dit que Papa Kolobo est malade à la maison. Allons l'assister. L'ancien Séraphin est malade aussi. Prions pour lui. Maman Maman Charlotte Berzani aussi. Maman Charlotte Naye. Prions pour elle. Donc sont les trois noms que moi j'ai. Imagine prions d'abord pour les malades. Tuombe kwanza wagonjwa. Élevons nos voix, prions pour. Passe outi yetu na tuombe. Nous venons te recommander nos bien-aimés qui sont malades. Que ta main les touche là où ils sont. Guéris-les, restaure-les. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Fais grâce, restaure. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous nous mettons debout. Tu sais maman qu'elle est samzima. Peine de vie, on peut nous chanter ça rapidement. Peine de vie. Nous voulons adorer le Seigneur avec ça pendant quelques minutes avant de nous séparer. Lève-toi, commence déjà à prier. Commence à remercier le Seigneur. Anja kushukuru Bwana. Seigneur, merci. Ta parole peut changer les choses qui se sont établies sur nos vies. Et aujourd'hui, tu as changé tous les sorts établis sur nos vies. Je viens t'élever ce matin. Je proclame ta fidélité. Je proclame l'accomplissement tes bonnes paroles dans nos vies. Alléluia. Que ta grâce soit sur tes serviteurs. Amen, yes. Bénis-les. Alléluia. Accompagne-les pendant toute la semaine qui commence. Alléluia. Nous les recommandons entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. De Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.